Je préfère bien qu'il m'écoute ce que je suis en train de dire là. Vous êtes couvert par un satellite français qui va vous donner les informations à temps réel. Après, la décision est arrivée. L'attaque devrait se passer le 24 décembre. Je ne peux pas presque tout dire, certaines choses, comment les armes sont arrivées. Les armes sont arrivées par hélicoptère. On a reçu les armes dans la forêt, par hélico, et c'est arrivé aussi par grâce de Médecins sans frontières. Il y avait des véhicules de Médecins sans frontières qui ont transporté ces armes jusqu'à Kiosi. Afrique Média, le monde, c'est nous.